terminer cette semaine de la Fabrique de l'Histoire sur les explorateurs, suivons ce matin les pas d'un historien globetrotter, Peter Frankopan, auteur chez Navigata des Routes de la Soie. Nous avons commencé cette série d'émissions sur les explorateurs par l'Asie et le désir de Mongolie de certains voyageurs du XXe siècle. Nous la terminerons avec Peter Frankopan, professeur d'histoire byzantine à Oxford, qui dans son dernier ouvrage met l'histoire de l'Asie au cœur de l'histoire du monde. Il nous parle de la concurrence des religions entre elles, au centre de l'Asie, de ce cœur du monde turbulent dans lequel il imagine les idées et les hommes se croiser et se combattre et propose rien moins qu'un nouveau point de vue sur l'histoire. Nous en discuterons dans un instant avec lui et avec Séverine Yatard de la Fabrique de l'Histoire. Et à la fin de cette émission, comme tous les vendredis, notre rubrique « C'était à la une » conçue avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France et aujourd'hui un article de 1921 « Quand les Français découvrent les travaux du docteur Freud ». Séverine Yatard, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, Peter Frankopan. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui dans une semaine consacrée aux explorateurs. Et tout compte fait, les explorateurs sont très nombreux quand on lit votre livre qui vient tout juste de sortir, Les Routes de la Soie, l'histoire du cœur du monde aux éditions Navigata, traduit de l'anglais par Guillaume Villeneuve. Ils sont très nombreux parce que vous prenez une très longue durée de temps pour pouvoir expliquer ce que sont ces routes de la soie qui traversent l'Asie. Normalement, on choisit qu'une petite période, soit un événement, une guerre, un roi, une reine. Quelquefois, il y a des récompenses si on essaie de regarder la grande peinture. Et quant à voir les routes de la soie, c'est une complexe de routes, de voies, de moyens qu'on a partagé les expériences, la commerce, les idées, les foies, à travers de toute l'Asie, donc de la Pacifique, la côte de Chine, jusqu'à... Bon, il n'y a pas vraiment des routes de la soie qu'on peut nommer parce que c'est une idée assez vague. Mais de même, ces voies, ce sont comme les artères dans le corps. Mm-hmm. Donc, on passe les voyageurs, les explorateurs, également les marchands, les prêtres, les évangélistes. Et donc, si on essaie de voir les routes de la soie comme une complexe qui explique l'histoire du monde, je pense qu'on peut regarder l'histoire d'une manière différente. Oui, vous le dites en ouverture de ce livre, vous dites que vous appelez à un nouveau point de vue sur l'histoire. C'est une histoire très ambitieuse qui se classe, alors on appelle ça Global History ou on appelle ça Histoire mondiale en France parfois. Une volonté justement de prendre de la hauteur. Vous êtes spécialiste vous-même d'histoire byzantine. Vous dirigez le centre de recherche byzantine à l'université d'Oxford. Et on sent chez vous une volonté de sortir du champ disciplinaire qui est le vôtre, de la petite période, même si c'est très long la période byzantine sur laquelle vous travaillez, pour aller beaucoup plus loin. Donc la période byzantine, c'est une mille ans. Donc ouais, un mille ans. Oui, c'est pas trop court. Mais je m'intéresse comme historien. On les échange. Je m'intéresse comme individu, on les échange. Ce qui m'intéresse, c'est quand je voyage moi-même, de rencontrer des gens, soit en Asie du Sud, soit en Cambodge, en Vietnam, en Pérou, et d'apprendre ce qui est important pour eux, ce qu'ils portent comme vêtements, ce qu'ils mangent, quelles sont ses idées. Et pour moi, comme byzantiniste, en fait, le monde dont je suis spécialiste, je regarde comme centre de Constantinople, l'Istanbul actuel, un monde qui lie, en fait, l'Islande, la Scandinavie, l'Afrique du Nord, le Portugal et l'Espagne, et un monde en Asie qui parle non pas seulement le monde musulman, mais qui passe à travers des montagnes himalayennes, en Chine, en Asie du Sud. Et en fait, cette paradigme, cette matrix de voir le monde, c'est pas seulement important, c'est le seul moyen qu'on peut comprendre l'histoire, et en fait, c'est le seul moyen qu'on peut comprendre le monde actuel de ce jour. Séverine Yatard. Peter francophone, donc vous, effectivement, vous êtes spécialiste de Byzance, donc vous partez de cet espace-là, dont vous expliquez voilà, les raisons. Mais en fait, on pourrait aussi se demander, si vous aviez été spécialiste de l'Afrique centrale, vous auriez pu aussi, on aurait pu, ou un autre historien le fera peut-être, partir de l'espace central de l'Afrique comme espace circulatoire entre deux, du commerce et de la circulation à la fois, effectivement, des gens, des langues, des religions et des produits. Parce qu'on on y reviendra, mais la question économique est primordiale, quand même. Dans ce... Voilà. Non, c'est absolument correct. Mais les historiens, nous sommes un peu comme les peintres. Donc, je peins la peinture selon mes spécialités. Mes spécialités, mais aussi ce que je connais moi-même. Donc, en fait, avant d'être spécialiste byzantin, la spécialité, en fait, à l'école et à l'université, c'est le russe. Mm-hmm. Et donc, d'ouvrir les autres portes, de comprendre c'est quoi la musique et la littérature russe. Puis, j'ai étudié l'arabe à l'âge de 17-18 ans. Et de poser les questions qui sont vraiment évidentes, mais que personne ne peut pas me répondre. Donc, on ne sait rien à sujet de l'histoire de Chine. Personne qui écoute ce programme peut me nommer un empereur chinois. Mmh. Pas un mauvais ou un bon empereur chinois. Ni un écrivain arabe, ni un mathématicien russe. Donc, nous sommes complètement dégagés notre vue de l'histoire. Et européocentré, et du coup, voilà. Il faut... Mais donc, madame, c'est absolument correct. On peut faire les mêmes études pour prendre l'Afrique du Sud, soit l'Amérique du Sud ou du Nord, comme point central et d'expliquer l'histoire de cet starting point. Mais de même, ces routes de la soie lient les continents entiers. Ça lie l'Afrique et l'Europe et l'Asie. Et ce qu'on voit qui passe sur ces routes, les grandes foies, c'est en fait au milieu de l'Asie qui voit la croissance de l'islam, de le judaïsme, de bouddhisme, de hindouisme. Et bien que l'Afrique soit énormément importante, on voit pas les pattes qui passent autour du monde comme on voit des routes de la soie. Mmh. Alors, ça veut dire que ce qui est important selon vous, Peter Frankopan, dans la démarche qui est la vôtre pour les routes de la soie chez Nevikata, c'est le déplacement. Pas simplement le déplacement des gens, des marchandises, comme l'a dit Séverine, mais le déplacement intellectuel que vous oblige à faire, votre volonté de remettre le centre ailleurs que là où on pense qu'il est. Voilà, donc je pense que ce n'est pas seulement de replacer le centre géographique. Je pense que c'est important aussi de réaliser un nouveau moyen d'écrire l'histoire ou de penser au sujet de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas seulement concentrer sur les échanges économiques. Soit on ne peut pas seulement concentrer sur l'histoire de la théologie non plus. Il faut combler tous les éléments, de regarder ce qui passe autour des routes de la soie. Donc je parle également au sujet de pathogènes, et les Black Death. Oui, la mort noire, voilà, la peste noire. La peste noire, voilà. Parce que je sais bien moi-même, quand je voyage, comme nous voyageons tous, on voit, on sent, on écoute, et les expériences sont différentes. Et donc, pour réunir tous les éléments, de construire une histoire qui ait beaucoup de contexte, qui essaie de partager ce qu'on peut et d'attirer tous les éléments, non seulement la littérature, les historiens, toujours, ils travaillent avec les sources littéraires, mais aussi les sources archéologiques et la matière culturelle, et voilà. Mais aussi à ce point, maintenant, de nos jours, il y a beaucoup d'avance dans les sciences qui nous aident beaucoup de comprendre l'histoire. Donc, réunir tous les éléments des spécialismes, de géographie, de période, dans une grande peinture, je pense qu'on peut le faire. C'est la biggest tree, c'est ça. En tous les cas, vous, Peter Frankopan, dans ce ouvrage, vous choisissez quand même un plan chronologique. On part, de la création de la route de la soie et on arrive jusqu'à nos jours. Et donc, il y a la route de la foi, il y a les conflits, la concorde, l'émergence de l'islam. Enfin, voilà, vous cheminez comme ça, chronologiquement, voilà. À travers le temps. Je pense pour deux raisons. Selon les livres que j'aime bien, c'est important qu'on redit une histoire, de le faire de moyens que tout le monde peut comprendre. Et donc, le point de vue chronologique, c'est bien possible d'écrire de moyens énormément intelligents, mais c'est important d'être clair. Mais aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de relever. Par exemple, comment est-ce que le christianisme a pu avancer en Asie beaucoup plus rapidement qu'en Europe? Pourquoi jusqu'à l'an 1400? Pourquoi il y avait plus de chrétiens en Asie qu'en Europe? Et personne ne le... Et ça, c'est peu connu, hein? C'est peu connu. C'est peu connu qu'il y avait un archevêque en Chine avant qu'il y avait un archevêque en Angleterre. Avant Canterbury. Voilà, et c'est parce que notre concept d'une carte, c'est difficile. Donc, Jérusalem est plus proche à Téhéran qu'à Athènes. Mm-hmm. Et Samarcande, c'est plus proche que Paris, donc à Jérusalem. Donc, c'est bien évident que on peut avoir une histoire qu'on essaie de redire, qui est chronologique, parce que c'est dans ce point on peut révéler des histoires qu'on sait déjà, mais de remettre dans des lumières nouvelles. Alors, une des questions qu'on pose très régulièrement dans une des rubriques de cette émission qui s'appelle « La fabrique mondiale de l'histoire » à des historiens comme vous, c'est quelles sont les conditions d'écriture de cette histoire ? Parce que ça ne peut être qu'une histoire au second degré, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas toutes les langues de tous les pays que vous traversez. Donc il faut que vous ayez une documentation très, très solide des principaux spécialistes de toutes ces périodes. En fait, la plupart, hein, je lis toutes les langues. Oui, c'est ça, vous lisez. J'ai lu en 22, 23 langues. Voilà, donc, parce qu'il faut quand même dire aussi qu'une des conditions que nous avait donné ici même quelqu'un comme Sanjay Subramaniam, par exemple, c'est de parler, lui il parle une dizaine de langues, vous en parlez très couramment, une dizaine au minimum, et vous en lisez plus, Peter Frankopan, et ce qui évidemment est très étonnant, qui bouleverse un peu la vision de l'histoire que l'on peut avoir, parce que ça nécessite une connaissance des langues bien plus large que la moyenne des historiennes et des historiens possèdent. Oui, c'est absolument juste. Je dirais que si on peut lire, ça ne me révèle pas qu'on peut comprendre. C'est deux choses différentes. Donc, de lire dans une langue étrangère, c'est impressionnant et tout le monde pense que c'est fabuleux. Mais en fait, c'est chose différente de traiter les sources avec humilité d'un historien et avec l'humilité de moyen de les comprendre correctement. Mm. Donc, c'est une chose technique d'apprendre les langues, de parler les langues. Mais il faut les nuances pour comprendre quelles sont les audiences, d'où viennent les sources, c'est comment les manuscrits, où est-ce qu'on a retrouvé les œuvres de cet auteur, c'est qui, où il était, c'était comment le style qu'il utilisait, quelle langue il savait lui-même ou elle savait elle-même. Et donc, je pense qu'on peut mettre ces conditions comme quelque chose qui toujours laisse les murs en place. Ce qui est plus important, c'est de toujours savoir bien que on a des espaces noirs, même sur les choses que j'enseigne à Oxford, les spécialismes dont j'ai étudié pour une trentaine d'années. Il y a des choses que je comprends pas bien moi-même. Et donc, je pense, humilité, c'est la chose la plus importante pour un historien. C'est brillant, hein. Mais vous parliez des sources de première main, mais même les sources de seconde main. Est-ce que justement avoir accès aux historiens d'autres continents, alors il y a des choses qui sont traduites, hein, mais finalement pas tant que ça au final. Donc c'est important aussi d'avoir le point de vue des historiens, puisque toute votre histoire part de ça, c'est-à-dire une histoire qui a été occultée, qui est européocentrée ou occidentale à l'excès, quoi, hein, finalement. Oui, mais il y a des historiens magnifiques de toute partie du monde actuel et dans le passé également. Donc, c'est construit sur les épaules des autres historiens. À mon égard, on peut séparer les premières mains, deuxième main, mais de même, j'introduis dans mon livre au lecteur des historiens du monde chinois, arabe, perse, russe, qu'on connaît pas, et c'est pour ces sources eux-mêmes de s'introduire, de parler. Et donc, j'aime bien laisser les mots comme on l'a trouvé, sans trop de intervention, sauf de dire que quelquefois il y a des problèmes avec une source ou une autre, où il faut connaître que c'est impartiel ou que les autres historiens ne font pas confiance dans celui-là ou non. Alors, pourquoi avoir mis un pluriel à ces routes de la soie? Généralement, quand on en parle, et en particulier à l'UNESCO ou dans les grandes institutions internationales, ou même quand le dirigeant chinois actuel Xi Jinping en parle, il en parle au singulier. C'est la route de la soie, on en parle généralement sur le terme de la route de la soie. Vous, ce que vous nous montrez, c'est que d'abord, elles sont mouvantes, ces routes, elles ne sont pas toujours les mêmes. Elles passent par l'Asie centrale, mais elles peuvent monter très haut en Russie, elles peuvent descendre très bas le long du continent, du sous-continent indien. Et puis, la plupart du temps, elles peuvent passer dans ce qu'on appelle l'Asie centrale aujourd'hui. Mais ces routes sont mouvantes, elles changent selon les interlocuteurs, selon les puissances qui sont au bout de ces routes, etc. Et donc, elles sont multiples, plurielles. Oui, non, c'est une bonne question. Donc, comme historien, je dois noter que le terme « les routes de la soie » ont été inventés par un géographe allemand. Et c'est lui qui a choisi en allemand « Seidenstrassen » en pluriel. Et donc, parce que c'est son terme, c'est mieux d'utiliser comme il était prévu, conçu. Lui, il a choisi ce terme au pluriel parce qu'il savait bien, bien que moi et les autres, qu'il n'y a pas une grande autoroute avec un péage, station péage à Xi'an qui passe, je sais pas, par Samarcande et puis termine à Istanbul, soit à Venise, soit à Paris. Et en fait, les Chinois, ils parlent pas d'une seule route de la soie. On parle de, ils ont changé d'avis. Donc, c'était en 2013 quand Xi Jinping a nommé que c'était l'âge de reconstruire les routes de la soie. Il a choisi en pluriel. Puis, ça s'est changé en One Belt, One Road. Et sa ceinture, et cette route, dès le début, pour les Chinois, avait une conception en pluriel aussi. Et donc, maintenant qu'on me demande, est-ce que Samarkand, soit Isfahan, soit Bagdad, est-ce que ces villes étaient sur les routes de la soie ou sur la route de la soie? C'est rien à voir parce que les termes comme les routes de la soie, comme l'Europe, ils ont des problèmes eux-mêmes. Donc, même pour nous en Europe, c'est quoi en fait les similarités entre le Portugal et le Finlande? C'est quoi? Nous sommes européens parce que quoi? Parce que nous avons un continent que quelqu'un a partagé, qu'on a mis une petite ligne qui dit que maintenant, une partie de la Russe, c'est européen et une partie n'est pas. Donc, ces termes géographiques, quelquefois, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc, les routes de la soie, ça fonctionne comme un terme qui est abstrait, qui est fluide, et que quelquefois, c'est la soie qui est plus importante. Maintenant, c'est plutôt, en fait, c'est pas même plutôt le gaz et l'huile. Maintenant, c'est les routes digitales. Vous parliez d'idées reçues sur les routes de la soie avec Cyril Niattard, moi-même et donc vous, Peter Frankopan. Mais en l'occurrence, on vous propose un voyage musical de Marco Polo, idées reçues là encore, par un ensemble qui s'appelle l'ensemble Constantinople. C'est pour vous faire plaisir en tant que spécialiste de Byzance et de Constantinople. Alors, vous évoquiez les matières premières qui ont voyagé dans ces routes de la soie depuis l'Empire romain, en expliquant effectivement que, eh bien, on portait des soies chinoises dans l'Empire romain et que ces routes transportaient jusqu'à l'au bout de l'Asie ou venant de l'Asie des produits et des fabrications diverses. Cela, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le commerce qui est au centre de ces routes de la soie. Il n'y a pas simplement les guerres, il n'y a pas simplement la foi, on en parlera avec vous, mais il y a le commerce. Voilà. Et donc, comme nous savons déjà de ce jour, les choses qui sont les plus valables, ça change selon les âges. Donc maintenant, c'est l'uranium et les rare earths qu'il faut pour construire les iPhones et les ordinateurs. Donc, mais il y avait 100 ans, c'était le gaz et l'huile. Peut-être maintenant, c'est toujours quelque chose de important. Mais les céramiques, les soies, les textiles, les échanges commerciaux sont importants pour deux raisons. En premier, parce qu'on peut remarquer normalement les choses qui échangent entre la Chine et l'Europe, les longues distances, ça doit être quelque chose vraiment valable. Les choses pour les élites, parce que ce sont énormément chers. Mais de même, ce qui se passe quand on échange, on met au deuxième rang les conflits. Et donc, les routes de la soie, l'histoire de l'Asie a une balance, une fluidité où normalement les gens sont plus adaptes et plus réglées. À la négociation? Pas seulement à la négociation, mais à trouver des moyens pacifiques de s'entretenir. Et nous, en Europe, pour beaucoup de raisons, on peut spéculer, c'est pas mon spécialisme, mais entre 1350 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un conflit européen chaque décennie, au plus souvent. Et nous, en Europe, nous sommes énormément fragiles. Peut-être parce que nous n'avons pas beaucoup de choses ici, dans ce continent. On n'a pas d'or, On n'a pas d'argent, très peu de... On a eu de l'étain à une époque, mais c'était il y a très longtemps. Voilà, et donc, mais on peut, on ne, à mon avis, on ne peut pas comprendre même l'histoire de la France sans comprendre et de le lier avec les routes de la soie. Par exemple, ici en France et l'Europe de l'Ouest, ça a été fait par les croisades, l'ère où les chevaliers sont partis pour regagner Jérusalem à la fin du XIe siècle. Et puis les expériences du Levant pour les Français ont introduit des nouveaux marchés, des efforts pour essayer de vérifier ou de régler la foi et la commerce. Ce sont des choses qui sont pas toujours ensemble avec eux-mêmes. Et même France est devenue plus tard, empire, à cause de ses liens avec également le Levant. Mais aussi, les chrétiens du Levant, la protection des... Avec l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Et donc, quand on voit l'Europe comme toujours liée avec des autres continents, on commence à dégager de l'idée que ce qui est important dans l'histoire, ce n'est que nous-mêmes. Et plutôt ces échanges commerciaux, mais aussi de la foi, les langues, les littératures. Vous voulez dire que ça nous permet, en faisant des travaux comme les vôtres, Peter Frankopan, de relativiser l'importance de chacun de nos pays, ou même de notre sous-continent qui s'appelle l'Europe, en le mettant en permanence en lien avec les autres continents et les autres pays, c'est cela ce que vous... Mais je peux être même plus brave ou courageux, et de dire que si nous voyons notre propre histoire comme isolée, de ceux des autres pays, des autres gens d'autres continents, nous sommes aveugles. Notre histoire du roi soleil et de Napoléon, ça devient des contes de fées. Ça devient des histoires qui nous donnent confort. Mais à un certain moment, quand le monde commence à changer, comme aujourd'hui, à ce point, 3/3 de la population du monde habite sur les routes de la soie. Et de nos jours, pour ne savoir une chose de l'histoire de la Chine, de ne pas comprendre à quel point l'histoire de la France, de l'Europe ou de la Grande-Bretagne est directement connectée avec l'histoire globale, on raconte une histoire qui n'est pas absolument correcte. En tous les cas, on comprend bien, à travers ce cheminement chronologique aussi, Peter Frankopan, que à chaque fois qu'il y a une prédominance comme ça, alors est-ce que c'est vous qui l'imposez ? Et en même temps, c'est aussi une réalité, qu'il s'agit de l'émergence, par exemple, de l'islam, la route de la foi, ou par exemple, quand vous parlez dans ce chapitre, la route des esclaves, autour de ce commerce qui va devenir prédominant, c'est tout le commerce mondial, du coup, qui va en être à chaque fois bouleversé. Et à travers ce commerce, évidemment, il y a d'autres bouleversements qui s'y articulent, comme la religion, l'organisation administrative, l'organisation du pouvoir. Donc on a vraiment une affaire à une histoire à la fois circulatoire, de manière externe, et puis à l'intérieur également, quoi. Tout se renégocie à chaque fois. Voilà, et en fait, de nos jours, on parle de la globalisation comme c'est quelque chose de nouveau. En fait, on voit les échanges entre la Méditerranée, entre l'Empire romain, avec les Chinois, avec l'océan Indien, avec le Golfe arabe. Et on voit, comme l'histoire médiévale, on parle jamais au sujet de l'esclavage européen, où on a dépensé les filles et les dames et les garçons pour en vendre dans des sommes énormes à le Moyen-Orient. Et les grandes villes de l'Europe actuelle, comme Dublin, comme Mainz, comme Utrecht, comme Venise, ont été construites comme les dépôts où on vendait les esclaves. Et en fait, les esclaves qui sont partis pour le Moyen-Orient, un monde à ce point énormément riche, plein d'argent, lié avec la Chine, avec l'Afrique, voilà. L'argent qui est revenu dans l'Europe a construit l'histoire médiévale en Europe, parce que la galvanisation du monde qui liait les Vikings avec les Norse, avec la Normandie, avec l'Europe centrale, a donné des nouveaux ambitions à ceux en Europe d'essayer de connecter avec les routes de la soie, parce que c'est de là d'où venait la sophistication. C'est de là où venait l'argent et la culture, parce que il y a 1000 ans, les scolaires n'étaient point à Oxford, au Cambridge, à Paris, à Bologne. Ils étaient à Samarcande, ils étaient à Bukhara, des villes qu'on ne savait pas, on ne connaît pas même le nom. Merv, en Turkménistan, entre l'an 800 et 1221, c'était la plus grande ville du monde. On appelait ça la mer du monde, c'est comme ça qu'on l'appelait à cette époque-là, mer. Justement. Mais pour nous, ce qui est important, par exemple, à mon université à Oxford, il y a un bel musée qui s'appelle Musée de l'histoire des sciences. Et là, il y a 27 scientistes plus connus du monde. Il n'y a pas une femme, hein, qui pose une question différente pour une autre émission peut-être. Hein. Mais on connaît tous les noms. Galileo, Charles Darwin, Aristote, il est là parce qu'il écrivait sur la physionomie, voilà. Mais il n'y a pas un seul philosophe, scientiste, mathématicien indien, ni arabe, ni perse, ni chinois. Et ça me dit que la conception de l'histoire, c'est complètement... Étriqué. Voilà. Alors, évidemment, vous vous inscrivez dans une école historique où on peut trouver, par exemple, quelqu'un comme Timothy Brook aussi, le grand Timothy Brook, l'auteur du Chapeau de Vermeer, ou la carte perdue de John Selden, qui, comme vous, met en connexion l'Asie avec l'espace occidental. Il y a quelque chose qui m'a surpris et intéressé, c'est de percevoir, comme vous l'avez fait, et alors après, on peut le contester, la foi comme un marché. Alors on dit aujourd'hui que, par exemple en Amérique latine, il y a un marché de la foi qui se partage entre les églises évangélistes, l'église catholique et d'autres églises protestantes. Mais vous le percevez vraiment comme un environnement compétitif, pourrait-on dire. Vous le dites d'ailleurs à un endroit, un environnement spirituel compétitif où eh bien, des populations ont besoin de croire, où arrivent des nouvelles religions, le christianisme qui, dites-vous, va aller très loin jusqu'au cœur de l'Asie très tôt, et puis qui va être contrebattu au moment même où on pense qu'il va l'emporter, c'est comme ça que vous le décrivez, par l'arrivée de l'islam, et donc le bouddhisme, l'hindouisme, qui toutes sont en compétition dans cet espace géographique, et vous dites effectivement que c'est une compétition, comme pourrait-on dire, une compétition entre grandes entreprises ou entre grands États. Oui, c'est difficile. Hein. Les échanges économiques sont assez faciles parce qu'on peut les énumérer. On peut voir c'est quoi qu'on paye, on peut voir comment les produits sont transférés entre un endroit et un autre. La foi, c'est compliqué parce que ce qu'on écrit et ce qu'on fait et les idées sont c'est difficile, les motivations sont difficiles de séparer. Donc moi, comme je le vois moi-même, je sais bien que la motivation pour tout le monde sont toujours difficiles, différentes. Mmh. Mais de invoquer le nom de Dieu, ça permet aux gens de invoquer des choses pour la puissance économique, la puissance politique, la puissance sociale, évidemment. Et évidemment, tout le monde a sa propre foi. Mais c'est difficile de séparer ce qui se passe. Mais dans le monde que je décris, où on voit l'islam, le christianisme, le zoroastrianisme, le bouddhisme, voilà, on voit toujours que les prêtres ou les intellectuels, ils essaient de répondre la même question, ou les mêmes questions plutôt. C'est quoi la vie? Qu'est-ce qui est la motivation d'être un bonhomme ou une bonne femme? Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est qui le Mohammed? C'est qui le Jésus-Christ? C'est qui le Bouddha? Et pourquoi est-ce que tous ces gens, à certains points, tous les sauveurs, pourquoi est-ce qu'ils sont liés à la salvation? Et quand on voit l'art de toutes ces grandes foi, on voit qu'il y a beaucoup de similarités. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est les mêmes questions et quelquefois les réponses sont assez égaux ou ils sont similaires. Alors il y a les similarités spirituelles, on comprend bien. Alors des fois on comprend aussi que c'est très stratégique, hein, en fait, quand vous dites, vous expliquez comment la compatibilité, par exemple, entre le judaïsme et l'islam au départ et la chrétienté contre justement la menace l'imposition d'une certaine manière de l'Empire romain. Donc une alliance qui peut se faire pour contrer une autre domination en fait aussi. C'est ça, mais et en fait, les grandes religions de l'islam, chrétianisme et judaïsme, ils partagent les mêmes prophètes anciens, ils partagent le jardin de Eden, qui était en fait, comme on croyait, juste au milieu des routes de la soie, en fait. Mais il y avait beaucoup de similarités, et donc les premiers califes, ils ne faisaient que la tolération contre les chrétiens et les juifs. Quelquefois, ils construisaient les synagogues et les églises. Ils étaient très motivés de concilier, non seulement d'un point de vue de la politique pratique, mais aussi spirituelle. Un des premiers califes, quand il est arrivé à Jérusalem, il a repris les vêtements dans une manière d'un pèlerin. Et je pense que ces conceptions de l'histoire qui ont croyé les gens à Daesh au Moyen-Orient actuel, hein, c'est rien à voir avec la réalité. Il y a une grande responsabilité pour les historiens de remettre dans la lumière, pas les émotions, mais de expliquer comment est-ce que l'islam a grandi si rapidement. c'est comment s'est passé que le christianisme a passé en Inde, en Chine, voilà. Oui, alors, il y a une grande vertu à votre travail sur les routes de la soie, Peter Frankopan, c'est que, en déplaçant le curseur vers l'Est, on redécouvre des très grandes civilisations qu'on connaît encore moins que les civilisations chinoises. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on connaissait peu les empereurs de Chine, mais on connaît encore moins les chats de Perse, on connaît moins encore la question du zoroastrisme, par exemple, sur laquelle vous insistez beaucoup, et à qui vous redonnez une place considérable dans la période anti-islamique, mais on pourrait dire aussi post-islamique, puisqu'il y a eu des transferts de certaines de ces croyances dans un certain islam perse et iranien. En tous les cas, vous nous montrez que, par exemple, cet espace iranien avec l'Afghanistan juste à côté est un espace absolument fondamental pour comprendre l'histoire entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Et donc, pour nous, notre conception d'histoire, je pense, ça commence avec les Grecs et les Romains, et puis il y a 1000 ans qui on déplace. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qui se passe après la fuite de Rome, au 4e siècle, au 5e siècle, jusqu'à l'ère des croisades. Mais dans ces périodes, on voit, et évidemment, la croissance de l'islam, on voit les dynasties Tang et Song en Chine, on voit la mathématique, la philosophie, la médecine, on voit des avancements énormes dans les autres parties du monde. Je pense, comme historien, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment est-ce que les influences lient les gens, lient les cultures. C'est comment qu'on peut apprendre des autres cultures. C'est quels les produits qui efforce un moyen de tolérance où mes croyances et ma foi ne m'interrompent pas avec faire des achats contre les autres. Et donc, la Venise, par exemple, ils ont toujours dû choisir entre la commerce et la foi. Mmh. Les expériences des Italiens à l'ère des croisades, eux, ils savaient bien qu'ils devaient choisir soit la chevalerie, la foi, la violence dans le nom de Dieu, soit avoir des expériences plus récompensantes avec les marchands au Moyen-Orient, où si on arrive et on parle que de la violence, de l'enfer, de l'infidélité, voilà. Et si on coupe les mains de quelqu'un, c'est normal que les gens veulent pas faire des commerces avec vous-même. Voilà. C'est régnateur. Et oui, mais on comprend que certaines dynasties ont eu justement cette justesse, peut-être d'esprit, d'être, vous en parlez, hein, justement à propos des, je sais pas si c'est les Sassanides ou les Perses plus anciens, la dynastie précédente, d'être tolérants. Et c'est comme ça qu'en fait, ils arrivent à installer leur pouvoir parce qu'il y a une certaine souplesse avec un respect. Ils essaient de composer, en fait, avec les pays, les régions qu'ils envahissent à chaque fois. Il me semble bien évident, hein, quand nous sommes riches chez nous, nous sommes plus généreux. Donc le premier jour du mois, si on voit quelqu'un qui n'a pas de nourriture, on est plus de probabilité de lui donner quelques euros. Voilà. À la fin du mois, quand on a tout dépensé, nous sommes moins tolérants. Et dans nos sociétés maintenant, ici en Europe, on voit que les tolérances sont sous attaque parce que on pense que la vie devient de plus en plus difficile. Et donc les tolérances commencent à se séparer. Donc les sociétés qui sont riches, qui sont confiants, ils ne sont pas menacés par les autres fois. Ils ne sont pas menacés par les gens qui portent des vêtements différents. Et donc, on voit après la Deuxième Guerre mondiale, nous avions en Europe un monde pour 2, 3, 4 décennies doré, où on s'entretenait très bien, on essayait d'assimiler, et on le faisait assez bien. Maintenant, de nos jours, la vie, c'est plus difficile. Et on le voit aux États-Unis, où tout le monde pense qu'ils sont menacés par les hispaniques, par les musulmans, par les étrangers. Et c'est un signe d'une société qui se rétracte. Voilà. Il y a tout de même quelque chose d'intéressant, c'est que parfois, ces routes de la soie sont des réservoirs, comment dire, de fantasmes et d'imaginaires. Ça a pu être des fantasmes positifs, justement, des fantasmes de rencontres, comme d'ailleurs ceux qui rêvent d'une Cordoue où toutes les religions du livre s'étaient entendues à un moment donné, ce qu'on on commence à ne plus croire véritablement aujourd'hui. C'est un peu la même chose pour Samarcande, comme un lieu du savoir, de l'échange, etc., en oubliant parfois, effectivement, que tout cela était fait avec des armes, avec des combats, avec des guerres, etc. Oui. Aujourd'hui, quand on voit en Europe, par exemple, une partie de la Hongrie, qui rêve de ce rêve touraniste ou touranien, qui voudrait que la Hongrie regarde vers l'Est, puisque l'Europe n'est pas vraiment son univers, mais que beaucoup de ces Hongrois, en particulier à l'extrême droite, se rêvent ou se pensent comme étant des descendants des Huns, d'Attila, et donc qu'il y aurait une relation plus ferme avec tous les pays d'Asie centrale, avec la Turquie, etc., voire avec la Chine. On se dit parfois que ces rêves peuvent être porteurs aussi de guerres potentielles, de conflits potentiels, parce qu'on imagine un passé rêvé qui, évidemment, n'a jamais véritablement existé, Peter Frankopan. C'est difficile de devenir le futur, mais... C'est pas seulement l'Hongrie, on voit la Turquie, le monde d'Erdogan, on voit la Russie de Poutine ou cet été. Le grand argument avec l'Ukraine, c'est un sujet de Anne de France, une princesse française au milieu du XIe siècle. Anne de Kiev. Anne de Kiev, s'il était ukrainienne ou russe. Voilà. qui s'est mariée avec un roi de France, en l'occurrence. Voilà, justement. Et en Chine également, la conception des routes de la soie, en Inde, en Pakistan, tout le monde discute l'histoire et essaie de redécouvrir ce qui est la vraie histoire. Et normalement, les généralisations sont difficiles et dangereuses. Et donc, c'est beaucoup, où tous les historiens nous disons la même chose, c'est plus facile de m'exprimer en écrit que sur une émission de radio, parce que c'est dangereux de suggérer qu'il y avait un monde où tout le monde partageait, où tout le monde, il n'y avait pas de guerre, et c'est nous en Europe qui sommes le danger. Mais de même, il y a une vérité entre ces échanges, plutôt parce que nous en Europe, nous étions obsessionnés par l'Asie. Les romans, jusqu'à Marco Polo, c'est pas coïncidence que lui, il est parti pour chercher le poivre, les diamants, toutes les choses qu'on n'a pas ici en Europe. Et de nos jours, c'est la même question pour en Hongrie et dans des autres pays. C'est où la puissance économique? Qui ont les produits qui sont valables? Qu'est-ce qu'on a ici qui peut s'échanger? Voilà. Et c'est une question qui devient de plus en plus difficile. Par contre, avec 4 billions de personnes qui habitent sur les routes de la soie, qui sont consommateurs de l'eau, qui sont consommateurs de nourriture, des idées, des universités, des livres. C'est un monde où ils pensent que c'est l'âge de l'Asie, que le jour de demain serait plus riche qu'aujourd'hui. Et nous en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Angleterre, le Brexit, c'est conçu par une idée que la vie devient de plus en plus difficile et c'est important d'essayer de faire quelque chose pour changer de direction. Hein. Et il y a une logique sous ça. C'est France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. En plus d'être un universitaire qui enseignait à Oxford et qui dirigeait un centre de recherche sur Byzance, vous avez des activités avec votre femme qui sont à la fois des activités de promotion du genre en particulier. Vous avez une bourse qui porte vos noms pour pouvoir promouvoir l'histoire du genre à Oxford, mais aussi vous avez des activités d'homme d'affaires. Vous êtes chairman d'une société qui a des hôtels un peu partout en Europe et dans le monde, je crois. En l'occurrence, est-ce que cette double fonction d'universitaire et de chairman d'homme d'entreprise a une influence sur la façon dont vous voyez justement les échanges? Vous allez souvent en Asie, dans des universités ou ailleurs, vous discutez avec les universitaires chinois ou les universitaires japonais, et donc vous avez peut-être une autre vision qu'un autre universitaire n'aurait pas. Oh, c'est bien possible, mais je suis pas psychiatre, donc je sais pas comment séparer, mais c'est vrai que, par exemple, quand on parle de la féodalisme, ou ce qu'on nomme le féodalisme, c'est maintenant pas trop, très populaire entre les historiens, voilà. Mais de même, si on voit le roi et les barons et voilà, jusque paysans, on pense que c'est un système où le roi peut récompenser un cercle des pourparlers, de supporters, voilà. C'est ça où on construit la puissance. Quand on travaille dans le monde commercial, on voit que c'est pas si simple. Et si on renomme quelqu'un vice president ou junior vice president, si on paye quelqu'un pour celui-là, quelqu'un pour celui-là, nous sommes des animaux très très compliqués. Mm-hmm. Et le danger, je pense, c'est ce que j'ai appris du monde commercial, c'est que il y a des dangers de simplifier quand on écrit de l'histoire. Et c'est important qu'on voit une commerce qui passe bien ou passe pas bien, de demander les bonnes questions. Et c'est la même exercice, en fait, d'être un bon historien et un bon homme de commerce. Oui, c'est une question intéressante parce que ça rejoint des questions que se posent beaucoup d'historiennes et d'historiens aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir des personnes dans des contextes, par exemple, où ils auraient des ordres qui leur viendraient du haut. Peuvent-ils réagir? Comment peuvent-ils réagir? Et ce que vous venez de dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a souvent pensé l'histoire par le haut, avec des gens qui prenaient des décisions et qui étaient immédiatement appliqués jusqu'au plus bas de l'échelle. Et vous dites qu'à chaque niveau, il y a des distances, des difficultés et des possibilités pour chacun d'appliquer l'ordre ou de ne pas l'appliquer, en l'occurrence Peter Frankopan. Mais en fait, le travail, j'admire beaucoup de mes collègues, hein, le travail qu'ils ont fait. Mais si on regarde, par exemple, ce qui a été fait par les scolaires énormément doués sur le sujet de génocide dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement où qu'on peut déterminer qui sont coupables de meurtre de 6 millions de personnes. Est-ce que c'est Hitler lui-même? Ça doit être les nazis? Ça doit être... Où est-ce qu'on peut mettre la ligne qui était coupable? Et donc, quand on voit que c'est difficile de répondre à ces questions, parce que à un certain point, tout était compromisé par le support pour Hitler, soit ou en 1933, quand il était élu, soit à un certain point où on ne disait rien qu'on savait bien que le génocide se passait. Et donc, c'est une question très sensible dans les autres coins d'Europe où la participation ici en France, dans d'autres pays, dans le génocide, il faut essayer de répondre à des questions très très difficiles. Mais on voit que l'histoire n'est pas une matière facile. C'est pas une matière où on peut généraliser de trop. C'est toujours important de mettre l'évidence et de supporter ce qu'on dit et de laisser les pattes pour les autres de suivre. Oui, ce serait presque plutôt une matière fissile, comme quand on parle du nucléaire, c'est-à-dire une matière qui pourrait exploser à la figure de ceux qui veulent la manipuler trop brutalement. En l'occurrence, Peter Frankopan, on s'attendrait maintenant au même travail, mais par un universitaire chinois ou par un universitaire indien, désormais. Qu'est-ce que ça donnerait, selon vous, si un autre universitaire que vous prenait ce sujet, les routes de la soie, vu d'un autre endroit, et le travaillait avec son imaginaire, avec sa vision, qui ne serait pas cette vision européenne que vous avez développée, même si vous êtes très ouvert sur le reste du monde, mais avec sa vision de Chine ou d'Inde. Vous connaissez ce genre de travaux? Est-ce que vous avez pu en croiser de ces travaux-là? Non, je suis ravi et je serai ravi, parce que normalement, je pense que ce que j'ai dit à mes élèves et enfin à mes enfants aussi, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise réponse. C'est toujours, il faut demander les belles questions. Et à ce point où l'eurocentrisme, l'histoire des autres pays, d'autres cultures, les liens entre nous-mêmes, la globalisation, je n'ai pas une monopolie sur l'histoire. Donc, je suis dans un continuum qui mène jusqu'aux anciens, historiens aussi, hein, de grands passés. Et donc, je suis pas seulement confortable à la concept que les autres vont demander les questions, mais je suis absolument motivé de lire les réponses et d'apprendre. Donc, un gros problème, c'est quand je voyage en Chine, en Asie, beaucoup, c'est que c'est moi qui dois parler. Et j'aime mieux m'asseoir et d'écouter les autres qui sont plus intelligents que moi aussi, d'essayer d'apprendre quelles sont les questions qu'ils pensent ou elles pensent sont les plus importantes de poser. Il y a deux ans, le grand colloque international, la grande réunion internationale d'historiens qui se tient tous les quatre ans, s'est tenu dans une ville de Chine que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas et qui était une ville qui avait déjà, je crois, plus d'une dizaine de millions d'habitants. Et là, effectivement, on a vu émerger une génération de jeunes historiens et d'historiens chinois. Est-ce que vous pensez que ça peut changer le cours et la façon dont on regarde l'histoire du monde, justement, que d'avoir, même dans un contexte très particulier qui est le contexte chinois, où ils n'ont peut-être pas la totale liberté pour pouvoir avancer leurs idées, ça peut changer quelque chose à la vision de l'histoire que l'on a, Peter Frankopan? Oui, j'en suis sûr. Hein. Je dirais deux choses. À mon université, en fait, partout dans le monde, normalement, quand on pense à les avancements scolaires, on pense aux sciences. On voit les sciences qui avancent très rapidement. Et donc, la première chose, je dirais que c'est même l'histoire, même le grand passé, on peut trouver des récompenses de regarder dans le passé et de trouver des choses qui sont soit peu connues, soit surprenantes. Pas connues. Voilà, surprenantes, voilà. Et qui plus est, avec sans doute une autre aussi philosophie de l'histoire, parce que non seulement il y a la question de la distance, d'où je regarde et d'où je me pose ces questions, mais en plus, dans mon univers culturel de philosophie de l'histoire, avec toutes les notions qui vont avec de progrès, qui ne sont pas du tout les mêmes, on le sait, par exemple, en Chine ou dans la culture bouddhiste. Absolument. Et donc, c'est justement la deuxième chose que je dirais, c'est que le monde est en train de changer. Et en fait, comme historien, je vous le jure, comme vous le savez déjà, vous deux, le monde est toujours à changer. Il n'y avait pas une période où il n'y avait pas de changement. Il y avait, donc, mais le changement dans cette période actuelle, ce sont énormes, ce sont des choses énormes. Dans les derniers 30 ans, 800 millions de Chinois sont élevés du taux de pauvreté. Donc, l'avancement économique, social en Inde, en Chine, en Asie, c'est énorme. Et ces jours-là, les questions que vous me demandez à ce sujet des jeunes historiens, ils sont toujours en train de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes où nous sommes dans l'an 1217 et dans 2018. Comment est-ce que nous sommes y arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est pourquoi maintenant que chaque fois que Osama Bin Laden a fait une émission vidéo ou audio, pourquoi il a nommé les croisades chaque fois? C'est pourquoi et que oui. Le Daesh, ils prennent une conception du 7e siècle comme point de départ pour le monde qu'ils veulent reconstruire. Et voilà, et en Chine, et la Russie, et en Russie, en Turquie, l'histoire, ils sont en train de remodeler le présent. Et c'est pour ça que c'est important de lire et de relire l'histoire. Eh oui, merci pour ce plaidoyer, Peter Frankopan. Je rappelle que votre Route de la Soie, vos Routes de la Soie, l'histoire du cœur du monde, est publiée aux éditions Nivikata avec une traduction de l'anglais par Guillaume Villeneuve. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup, enchanté. Bir dem balayı aşkdan yetme cüda mani Et pour terminer cette émission, comme tous les vendredis, vous le savez, nous vous proposons la rubrique « C'était à la une » avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, un grand article de presse publié dans les deux derniers siècles. Et aujourd'hui, c'est un article de 1921, quand la France découvre les travaux du docteur Freud, un texte lu par Elsa Dupuis. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Feuilleton du journal des débats, 4 novembre 1921. Les rêves du professeur Sigmund Freud. La psychoanalyse est un mot nouveau, substitué à l'analyse psychologique, pour exprimer un mode d'observation et de traitement des maladies nerveuses auquel le professeur Sigmund Freud, de Vienne, a attaché son nom et dont il a fait un système philosophique, le freudisme. Monsieur Freud est un élève de Charcot et de Bernheim. Présenté comme une nouveauté merveilleuse, le freudisme est sorti des écoles de la Salpêtrière et de Nancy. Mais le professeur viennois a su donner à la psychanalyse un retentissement, une vogue qui a dépassé l'enceinte des hôpitaux et exercé des ravages en littérature grâce au prosélytisme des disciples. La guerre n'en a pas ralenti la propagande. De 1915 à 1917, M. Freud a professé ses leçons à Vienne devant un auditoire de docteurs et de profanes des deux sexes. Leçons qui n'ont rien du calme et de la froideur d'une démonstration scientifique, qui ne demandent pas une aveugle adhésion, mais qui sont destinées à éveiller l'attention, à stimuler la curiosité, et se lisent comme un roman parfois bien scabreux ou comme un conte d'Hoffmann. C'est au rêve que le psychoanalyste attribue une importance. Les racontés passent d'ordinaire pour le sujet de conversation le plus stupide. Les bourgeois idiots d'Henri Monnier s'y complaisent. Cependant, quel pressentiment, quelle valeur prophétique ne leur attribuait-on pas autrefois? Le rêve réalise les désirs refoulés pendant le jour par le moi, par la conscience qui joue le rôle de censeur. Notez ce mot, refoulé. Le refoulement est une des clés de la psychoanalyse. Comment pénétrer le sens de ces idées latentes entrevues dans le rêve, mais couvertes d'un masque par crainte de la censure, de ces forces directrices de la pensée que l'éducation, l'habitude maintiennent en nous, même pendant que nous dormons? Si de telles idées émergent par instant malgré l'état de veille, nous nous hâtons de les chasser, de les désavouer. Tels sont les désirs de vengeance, le mouvement de jalousie que nous cause le succès d'un ami, la satisfaction secrète de quelques revers infligés à un voisin, l'éventualité de la mort d'un proche envisagée sans trop de déplaisir, par-dessus tout, les inspirations de la libido. Notez encore ce mot, cette seconde clé de la psychoanalyse. Tolstoï, dans la sonate à Kreutzer, nous rappelle que les pires tragédies sont celles de la chambre à coucher. Entre tous les sentiments inavoués et inavouables, la libido, d'après Freud, joue le premier rôle. Le freudisme a rendu de grands services à l'observation psychologique. Il apporte des vues nouvelles sur l'évolution de l'enfant. Il dégénère toutefois en pansexualité, alors que d'après le docteur Déjerine, le quart environ des cas peuvent se rapporter à la libido refoulée. Quant aux résultats obtenus, le docteur Freud s'abstient de toute statistique. Il en est de la psychoanalyse comme des miracles de Lourdes, de la Christian Science, des traitements philosophiques. Elle a ses succès et ses revers. Les disciples de M. Freud l'ont compromis par certaines ordonnances qui ont causé du scandale et contre lesquelles il a vivement protesté. La vulgarisation de la psychoanalyse a été jugée dangereuse. Un séminaire d'enseignement suisse a jugé bon de l'interdire. Moins susceptibles, les auditrices profanes de M. Freud ont suivi ses leçons sans le concours de leur éventail. Des confrères soupçonnent M. Freud de s'être laissé lui-même suggestionner dans ses théories sur la libido par cette atmosphère voluptueuse qui faisait de Vienne avant la guerre une rivale de la Venise de l'Aretin et de Casanova. Jean Bourdeau. Voilà, si vous voulez lire l'intégralité de ce texte sur le bon docteur Freud, n'hésitez pas à aller sur le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, un texte qui a été lu aujourd'hui par Elsa Dupuis dans une réalisation de Séverine Cassard. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet et réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Pour la première semaine de l'année, dès lundi, nous partirons dans une ville où bien des marchandises d'Asie sont arrivées au long des siècles, celle dont parlait tout à l'heure Peter Frankopan, la plus vieille ville de France, Marseille.